Radiomatic. La première pièce de la transmission 210 d'Audiomatic était l'œuvre du groupe allemand Terra Nova. Il s'agissait de la pièce No Peace qui se retrouve sur leur album Peace is Tough, paru en 2003. La structure d'une transmission d'Audiomatic est toujours prévisible. C'est ce qui est contenu à l'intérieur de cette structure qui peut être surprenant même pour les électronistes. Blue Hotel. We'll be right back. best thing. It's better than the bullets you've got. Nous terminions ce segment musical à Audiomatique avec le projet anglais Broken Note, mené par Tom Andrews. Nous entendions la pièce titre de son mini-album Flood, paru en 2010. Tout juste avant, il s'agissait du projet Kick Bong, qui est l'incarnation musicale de l'artiste français Franck Jousselin. Il nous interprétait ici sa composition Never Stop, tirée de son mini-album Everyday with Hope, lancé en 2012. Et en début de séquence, l'artiste danois Anders Trentmøller nous offrait sa réinterprétation de la chanson Blue Hotel de Chris Isaak, avec la participation des chanteurs danois Marie Fisker et Steen Jorgensen. Cette version est extraite du mini-album My Dreams de Trentmøller. La formation britannique bien connue Otaker a récemment sorti un nouvel album dont les compositions totalisent quelques 8 heures de musique. Il s'agit des NTS Sessions, enregistrés en direct lors de prestations à la radio NTS, qui est en fait une radio Internet diffusant de la musique qualifiée d'underground et qui dispose, pour ce faire, de 4 studios situés à Londres, Manchester, Shanghai et Los Angeles. Les électronistes ont commencé à découvrir cette œuvre massive et vous présentent aujourd'hui, à Audiomatic, la longue pièce I3 Control tiré de la session NTS numéro 1. Thank you. We'll be right back. Audiomatique, nous venons d'entendre la longue pièce I3 Control de la formation Otaker. Cette composition se retrouve sur l'album NTS Session 1, qui est la première partie des quatre sessions d'une durée de 2 heures chacune, enregistrée en direct à la radio Internet NTS. Audiomatique redevient musicalement audible avec le projet Halo of Pandar. körde ut ur stan med melankolin och nostalgin som en gnistrande svans efter den gamla underbara Thunderbirden. Jag tryck upp mig i törn och kände mig fullständigt utanför. Jag var så tyst och längtade hem. Och Marlena satt bredvid mig och försökte hålla mig i handen, men jag kunde inte besvara hennes små smekningar. Et j'avance et je sens les Vous avez peut-être reconnu à Audiomatic Ariane Moffat qui nous interprétait sa chanson « Sourire sincère » que l'on retrouve sur son album « M.A. ». Et pour débuter, c'était le projet suédois « Halo of Pandore » avec la pièce « Min Far Fakiren » parue sur l'album « X's and Y's ». La prochaine formation que nous allons entendre sera en concert à la salle Anaïs Allard Rousseau de Trois-Rivières ce vendredi 19 octobre. Il s'agit de Milk and Bone, de qui nous allons écouter la pièce Tomorrow tirée de leur plus récent album Deception Bay. C'est d'ailleurs sur cette pièce que se conclura la transmission 210 d'Audiomatic. Le retour d'Audiomatic sur les ondes de C'est fou se fera, si tout va bien, mercredi prochain dès 17h avec la présentation de la transmission 211. Si les restrictions de votre horaire ne vous permettent pas de nous attraper en direct, nous vous donnons l'occasion de nous écouter en différé en rendant nos émissions passées en balado-diffusion, entre autres sur nos plateformes facebook.com/audiomaticcfou et mixcloud.com/audiomatic. Voici pour terminer Milk and Bone et leur pièce Tomorrow. C'était Audiomatic avec les électronistes. I slept for weeks in a dazed and haze, I won't come back until I've dreamt of ways. I used to. I'm not the girl that you once knew. I love my. Let's see what tomorrow brings.